tous. France Impro ce matin, émission exceptionnelle avec un certain nombre d'invités qu'on va vous présenter tout de suite. C'est Jean-Michel au micro. Donc, on est à 11h, donc c'est une émission un peu particulière sur un créneau du 5e samedi. Elle sera rediffusée plus tard. On espère que vous vous réveillez tranquillement. On va vous accompagner pour ça. Je passe la parole à Youssef tout de suite. Bonjour. Alors voilà, c'est une émission spéciale à plein de titres, mais le premier, c'est qu'on n'a pas de jingle ce matin et on va vous improviser un jingle. Donc je donne le nom de l'émission, je fais signe à mes collègues et c'est parti. France Impro, ça donne chaud. Et ben voilà, ben bonjour, bonjour à tous, c'était le nouveau jingle de France Impro spécialement pour vous. Alors aujourd'hui, on est content d'improviser cette émission qui parle d'improvisation. On accueille un invité qui est venu de Barcelone, qui vient jouer avec un musicien qui n'est pas un inconnu dans la région, puisqu'il s'agit de Laurent Paris qui joue de la batterie. Et donc on accueille Ferhan Bezaldouk. J'ai découvert que ça ne se prononçait pas Bezaldouk, mais Bezaldouk. Il nous arrive de Barcelone. Bonjour Ferhan. Bonjour. On est super content de t'accueillir. Alors cette émission, on va l'improviser aussi parce que on ne parle pas tous espagnol ni l'anglais. Et puis voilà, on préférait parler espagnol, a priori. On devait avoir un traducteur qui n'est pas là ce matin. Mais on va y arriver. Hein, on va donc discuter, écouter de la musique et puis permettre un live avec deux autres collègues et à Andy Lévesque. Salut Andy. Bonjour. Voilà, Andy qui termine sa bouffée de petits déj, quoi, de pain au chocolat. Et l'acolyte Florian Astorg. Bonjour. Voilà, qui est arrivé avec son saxophone et son tourne-disque. Incroyable, moi je ne l'avais jamais vu, ça me fait plaisir de le voir. Je ne l'avais pas ressorti depuis un moment. Ok, salut Florian. Alors du coup, Florian nous propose d'emblée un morceau à écouter. Je propose qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après. Ça marche, c'est parti. Thank you. C'était une première improvisation de Florian Astorg, Andy Lévesque et Ferhan Bezaldouk. Donc trio de saxophonistes ce matin sur France Impro. Florian, tu peux peut-être nous dire un petit mot sur la première piste qu'on a écoutée tout à l'heure? Oui, j'arrive. On a écouté Ikue Mori, donc, qui est une musicienne japonaise installée à New York. Enfin, je ne sais plus si aujourd'hui elle vit à New York, mais... donc c'est un album qui s'appelle Garden, qui est sorti en 96 sur le label Tzadik. Et voilà, elle fait de la musique électronique avec un son bien à elle. Ça m'a dit de commencer par ça, parce que pour le matin c'est quand même d'une douceur bienvenue. Et en fait moi j'aime beaucoup vraiment son univers sonore en fait. Je le trouve assez chaud malgré le fait qu'il sorte d'une machine quoi. Elle a vraiment un truc bien à elle, assez suave on va dire quoi. Et peut-être on aura l'occasion d'écouter un autre morceau d'Ikue Mori à l'époque où elle faisait de la batterie. C'est une personne qui a commencé la musique en faisant de la batterie, en faisant des concerts avant même de savoir jouer, dans un groupe qui s'appelait DNA. Avec Arto Lindsay entre autres. Ça c'était au début des années 80 à New York dans la scène No Wave, Noise, Post-Punk, blablabla. Bla bla. Et donc voilà, si on a l'occasion d'écouter DNA et donc d'entendre Ikue Mori avant qu'elle fasse de la musique électronique, ça peut être bien aussi. Super, merci pour cette petite sélection. Alors donc du coup, on vous le disait, on accueille Ferhan Bezaldouk qui arrive donc de Barcelone et bon, on est super content de t'accueillir. Oui. Et voilà, donc ça nous intéresse du coup d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Donc je vais le dire un peu aussi en espagnol. Podemos hablar un poco de tu curso, la manera primer contactos con la música. Bueno, yo estudié música clásica. Y enseguida también estudié jazz. Okay. Y a través de la improvisación del jazz y de la música contemporánea del clásico es donde he encontrado mi punto de unión en la música improvisada. Y aquí me he quedado. Voilà, donc Ferhan a commencé par un parcours classique, ensuite s'est intéressé au jazz et il nous dit que son point d'équilibre, en fait, il a trouvé entre ces deux styles de musique. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu te produis pour beaucoup sur la scène de musique improvisée. Tu as compris, ouais. Oui, en ce moment, j'ai seulement joué. Tu joues, d'accord. Musique improvisée. Ok, super. Et alors, du coup, tu m'as présenté du coup, deux CD qui seraient tes deux principales formations. Donc, tu joues avec un trio qui s'appelle Freenetics, qu'on a vu. Alors du coup, c'était l'année passée à la Maison Peinte. À la Maison Peinte, chez Diboubacker, quand ça fonctionnait encore, du coup. Donc c'est un trio saxophone, batterie et violoncelle. C'est un groupe qui existe depuis longtemps, assez... Oui, 2009. 2009, ok, depuis 2009. En ce moment, une fois par mois, hacemos una sesión en directo una vez o dos meses el trío e invitamos un artista a tocar con nosotros en Barcelona cada mes en Badalona Badalona. D'accord, donc du coup chaque mois ils organisent des sessions dans un endroit à Barcelone et ils invitent du coup des musiciens à venir rejoindre le trio. Ça fait penser aussi un peu à Amor Fati du coup, qui était un peu dans cette veine là. Je sais pas s'ils le font encore, mais si, ils vont jouer d'ailleurs dans pas très longtemps à Archipel, il me semble. Ah bon, je me demande si c'est pas la prochaine session d'ailleurs. Ils font ça à la pizzeria Belfort tous les mois. C'est ça. Ils invitent un musicien avec eux. Decimos que hay una banda aquí que hacen un poco la misma cosa. Et muy rico, ¿no? C'est quelque chose de riche. Sí, porque empezamos que el batería y el chelista nunca habían tocado juntos. Y tocamos sin ensayos, sin pactos. Entonces, en cada sesión con el público, vamos evolucionando. Ah, okay. Y con el artista que viene, también vamos evolucionando. Entonces, cada vez que tocamos, el grupo va creciendo. Ok. Si j'ai bien compris. pardon. Ah, tu compris. Donc, l'idée, c'est que ça ne répète pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il se voit, donc il y a un quatrième larron. Jamais. Ah, jamais. Vous ne répétez jamais. Non. D'accord. Donc, seulement coup... jouer avec l'audience. Ok, donc le fait d'accueillir une quatrième personne, ça provoque une évolution du coup Oui, avec l'audience. Super. Et c'est dans quel type d'endroit vous, quel type de lugar en Barcelona et... C'est en Badalona, Qui est à l'endroit de Barcelona. Et c'est en casa de Joan Antoni Pic, qui est le celliste. Et il a un studio qui est comme une salle de concerto. Ah, si, ok. Et la gente vient. Ah, super, super. Bon, ben voilà. Ici à Toulouse, il y a quelques endroits qui nous manqueraient un peu. On a pas mal parlé de la pizzeria Belfort, ça nous manque. Parce que ce genre d'organisation, enfin ce genre de production de concerts comme ça, un peu en in vivo, c'est. Enfin voilà, c'est. Et donc, du coup, voilà, donc ça c'est ta formation qui s'appelle Freenetics, qui avait joué du coup l'année dernière à Barcelone. Et tu as aussi du coup un quartet de saxophone qui s'appelle White Cabbage. Non, le quartet est Malaclipse. Ah, pardon, oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est. Voilà. Malaclipse, ok. Et donc du coup, là, c'est vous avez un propos, une intention, intention. C'est un travail avec les différents saxophones, avec l'improvisation, mais ici il y a son structures, pactos. Ok. Pas d'écriture. Il n'y a pas d'écriture Un peu. Un peu d'écriture. Non tout, mais il y a quelques improvisations avec l'écriture. Ok, super. On en écoutera tout à l'heure un petit extrait ou un morceau en entier. Donc il s'agit de deux saxophones soprano, un ténor et un basse. Et alors du coup, moi je m'intéressais un peu à ton solo. Et alors du coup, moi je propose qu'on écoute du coup deux extraits différents. Et alors, si j'ai bien compris, donc il y a un certain nombre de pistes sur ce CD, des pistes paires et des pistes impaires. Et chaque tranche représente un instrument et donc du coup peut-être aussi un personnage. On pourra en parler juste après. Et si Jean-Michel, t'es prêt, je propose qu'on écoute peut-être 2 minutes de la piste 1. On va écouter 2 minutes de la piste 1 qui s'appelle The Story of the Door. Ok, merci. Thank you. Voilà, et je vous propose d'écouter du coup tout de suite la piste 2 et d'en discuter juste après. Et ben voilà, on vient d'écouter deux pistes d'un album donc produit par Ferran. Et donc les deux pistes que vous avez écoutées, c'est Ferran. Alors, mais c'est pas c'est Ferran et Ferran. Oui. C'est un album solo. C'est un album en solo. Oui. Parce que j'ai joué les extrêmes du sax, les sopranino et les basses. Ok. Alors pour les gens qui connaissent pas le sopranino, c'est les plus petites. Okay. Sax que adult sax. D'accord. Il a inventé, d'accord. Ok. Donc c'est vraiment le très aigu. Oui. Et donc du coup, juste à côté, c'est marrant parce que là sur la table, on les voit tous les deux, le petit saxophone, voilà, et le gros saxophone basse. Le basse saxophone. Et donc du coup, tu discutes avec toi-même en fait. Oui. Oui. Je pense que quand j'ai joué les sax, j'ai deux personnalités. Je dis bien. J'ai improvisé avec les Français aussi. Ok. Alors, j'ai fait cet album solo. Et je pense avec les saxophones et les personnalités. Et je pense avec les livres, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ok. Donc, il y a une base littéraire qui est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Oui. Et donc, du coup, toutes les pistes sont les titres des chapitres. Oui. du livre. Et donc tu racontes un livre en même temps que tu racontes... Non. Tu racontes pas le livre. Il faut dire le vrai. Première, j'ai fait la musique. Mm-hmm. Et après, j'ai pensé avec les livres. D'accord. Mais j'ai lu bien les livres. Et j'ai choisi bien les improvisations avec les livres. Ok. Si vous voulez lire le livre, écoutez mon musique même. Ah, du coup, ça marche. C'est un peu terrorifique. Ok. Oui. Super. Très chouette démarche. J'ai fait un autre expériment très funny, divertido. Amusante. Ouais, amusante. De un YouTuber, voir les anciennes movies. Ah ouais, ok. Juste le moment de la transformation. Ok. Mais j'ai avec mon musique. Ok, ok. Et il c'est très... Ça marche. Ça marche. Très bien. Et d'autres projets comme ça, Frankenstein peut-être ou... Ah, oui. Le prochain, Moby Dick. Avec Moby Dick. Et du coup, en quelle année ça, tu l'as fait ce travail-là? Cette année, d'accord. Oui. Ah, c'est tout récent, super. Oui. Mm-hmm. À propos de Moby Dick, c'est Marc Demereau qui avait un projet sur Moby Dick. Qu'il a toujours, je crois, ouais. Oui. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Oui. Marc Demereau, je ne sais pas dans quelle formation, mais il a un projet. C'est un trio avec Marc au sax et à la scie musicale amplifiée, disto, etc. Ouais. Fabien Duscombe, à la batterie, et Sébastien Bacchia à la contrebasse, qui lui est dijonnais. Et c'est un trio qui est né d'un travail avec une compagnie de Dijon, de théâtre en fait, qui a monté tout un cycle autour de Moby Dick. Et c'est le groupe qui fait la musique sur scène pendant le spectacle. En fait. Alors, il faut faire le Frankenstein. Alors, parce que le Moby Dick s'est fait, et le Jekyll aussi. Banco. Et je voulais te poser une question sur la scène musique improvisée à Barcelone ou espagnole, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot Oui, en ce moment, il y a très bons musiciens. Ah, ouais. C'est difficile de chercher la place pour jouer. Des dates, des lieux. Oui. Mm-hmm. Mais il y a très bons musiciens et estamos luchando. Luchando. Fighting. Lutter pour trouver notre situation, un panorama de concertos pour jouer. Il y a deux, trois, quatre pubs, bars pour jouer. Toutes les semaines, il y a musique improvisée. Cada vez más. Il y en a de plus en plus. Il y a plus de musiciens du classique, du jazz qui voulaient jouer cette musique. Et aussi, je suis prof à conservatoire et il y a des élèves très intéressés et aussi professeurs intéressés et musiciens professionnels pour faire la musique improvisée. Je suis très content parce qu'en ce moment, j'ai fait une heure à la semaine avec mes élèves de seulement musique improvisée. Ah oui, c'est super. Pour moi, je suis riche. Génial. Donc ça permet de diffuser cette musique, de la faire connaître. Et, super. Et est-ce que tu as des projets futurs, des futuros proyectos voilà. En ce moment, avec le trio Frenetics, nous faisons le disque et j'espère en 2017. 2017, l'année prochaine. Faire la présentation. Et jouer. Super. Merci. Alors, du coup, moi, je propose qu'on écoute un morceau du quartet, du coup, dans lequel Ferran joue à Barcelone. On va écouter la piste 2, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu l'as peut-être devant les yeux, Jean-Michel. Désolé, je te prends. Le temps de mettre les lunettes. There is no tyranny in a state of confusion. Super. Alors, donc ça s'appelle Malaclipse. Malaclipse. Voilà. Alors, si c'est pas la piste 2, ça en sera peut-être une autre. Voilà, vous êtes toujours sur France Impro et on cherche à passer un CD. Vous écoutez du silence. Vous êtes bien sur France Impro. C'était un trio tourne-disque sax avec notre invité surprise Ferhan Bezaldouk, Andy Lévesque et Florian Nastorg. Merci pour cette improvisation, les amis. C'est bien. Il nous reste 10 minutes. Donc, on est bien sur FMR 89.1. Il est presque midi. Il y a une émission qui va commencer. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est partager l'agenda des sonophages avec nos auditeurs pour annoncer les concerts du mois de novembre. Pendant que nous, on plie. Voilà, pendant que vous pliez, tranquillement. Merci à tous d'avoir été là ce matin. L'émission était en direct. Elle est enregistrée, on la rediffusera courant novembre ou décembre, à 10h, sur le créneau habituel. Ce qu'on va faire d'autre, je ne sais pas, c'est tout. Mais agenda et... Agenda. Alors, sur l'agenda... Le 6 novembre, il y a des concerts. La première session de musique improvisée au Taquin, ex-Mandala, qui est 23 rue des Amédoniers à Toulouse, à côté du pont des Catalans. Bon, pour ceux qui connaissaient, c'était un lieu qui était fermé depuis 2-3 ans, là, et qui rouvre maintenant et qui fait sa première session avec deux concerts magnifiques, avec un premier qui s'appelle Ici en deux, avec un duo de Michel Doneda et de Didier Lasserre, donc sax et percussion. Qui est suivi d'un trio de Mathias Pontevia, Sébastien Mariage et Eddie Boubaker, donc batterie, et guitare et basse. Jean-Sébastien Mariage, exactement. Ce sera le 6 novembre à 21h. Le 12 novembre, il y a un concert. Le 6 novembre, juste avant ça, à 17h, à La Manita Muscaria, il y aura une soirée du collectif La Main Mouche, avec notamment les Parisiens d'Elvedrum, l'occasion pour découvrir ce collectif La Main Mouche, dont personne ne sait ce qu'il est vraiment. Tu peux en dire deux, trois petits mots en aparté Eh bien, c'est un collectif toulousain qui organise un petit goûter dominical dimanche 6 novembre en before de l'événement Otaquin. Voilà. Voilà. C'est à 17h ? C'est à 17h à la Manita Muscaria Saint-Cyprien. C'est voilà. À 17h avec au programme donc Elvet Drum, membre du collectif Coax. Ensuite, c'est dans le désordre, mais Kebab, groupe toulousain, et l'octet Marco Pantani, qui est donc structuré autour de Sec Glossolali avec des invités comme Andy Lévesque, Lucie Laric et Marc Mafiolo. Voilà, ouais. Donc tout ça c'est organisé par la même. Voilà, de quoi manger à prix libre sur place, et puis. Voilà. Donc c'est la main. C'est la main mouche, retenez bien ce collectif, ils ont plein de choses à proposer. Ok, le 6 novembre, bien bien. Ensuite, le 12 novembre, tiens, on va se mettre un peu de musique en parallèle. C'est de la flûte de Anne Choquet en fond sonore. Ah ouais. Et donc le 12 novembre, il y a un concert de Claire Bergerot et Will Guthrie. Claire Bergerot, c'est voix accordéon, et Will Guthrie, pardon, c'est pas un duo, c'est deux solos, et batterie percussion. Donc ça, c'est le 12 novembre au Théâtre du Hangar, dans le cadre de Un pavé dans le jazz. Le Théâtre du Hangar, c'est rue des Cheminots, hein, derrière la gare. Le 14 novembre, il y a Festival Multiversal au Pavillon Sauvage. C'est le 14. Pavillon Sauvage, c'est rue de Chaussas, au minimum, avec des solos, des duos, etc., des impromptus. Donc c'est tout un festival le 14. Le 17, concert scène ouverte du collectif Apax. Vous connaissez ce collectif ? Oui. Oui. Électroacoustique, c'est ça. Voilà. Électroacoustique et diffusion de d'œuvres électroacoustiques, ouais. En fait. Ouais, okay. Je crois, ouais. Donc c'est le 17 novembre à 20h30, c'est rue de la Digue à Toulouse. Le 18 novembre, il y a un vernissage, Nadia Van Foutre Ruissellement, c'est une expo, du 29 octobre au 26 novembre. Il y a aussi, j'en profite, du 16 au 19 novembre, à la Cave Poésie, toute une semaine, enfin qui commence le 15 même, mais du 16 au 19, une semaine autour de Léo Ferré à la Cave Poésie, avec Sec, on y revient, on en a parlé pour la soirée Mamouche, qui invite des musiciens dont Andy et moi, ainsi que Carla Gaudret, Brenda Gagliussi, Jean-Baptiste Demal et Éric Leclerc. Autour de Léo Ferré, ça s'appelle Sec ne chante pas Léo Ferré. Et ça joue aussi le 22 novembre à la Fac du Mirail à 12h45. Excellent. Voilà, la prochaine émission, ce sera le samedi 12. Youssef, tu veux dire quelque chose ? Oui, en fait, c'est juste pour annoncer le concert de Ferran. Mais ça le On a Voilà. Donc en duo avec Laurent Paris, c'est demain à Sarente, à l'espace R, ailleurs, l'espace R, et c'est à 17h, ne les manquez pas. À Sarente dans le Gers. C'est ça. C'est ça. Exactement. Excellent. Et je pensais juste aux prochaines émissions, donc là, exceptionnellement, on a fait l'émission de 11 à 12, normalement c'est de 10 à 11. Normalement c'est le deuxième et quatrième samedi du mois, c'est de 10h à 11h. Et donc du coup, une des prochaines émissions, moi je serai là pour l'animer parce qu'elle me tient à cœur, c'est un collectif qui s'appelle Montag. Qui sont issus, comme pas mal d'entre nous, issus des cours de Marc Desmoreaux à Job, hein, à Musique Inclassable. Et ils ont cette particularité de jouer très régulièrement chez eux. Donc ils travaillent, mais ils ne jouent pas beaucoup en public. Et j'ai très, très envie d'écouter leur musique. Je pense qu'il y a plein de choses à donc capter. Ils vont jouer à la radio. Et du coup, ils vont jouer à la radio, ils seront en quintette. Et donc on les accueille. Ça sera l'émission du samedi 26 à 10h le matin. Voilà. Ça va être très sympa. Voilà, entre-temps, on se retrouve le 12 novembre pour une émission dont je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera. Elle sera. On vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien. Merci. Merci à tous d'avoir été là ce matin. Merci Ferran. Merci. Et à bientôt, merci Ferran. Merci.